Bonjour, je me présente, je suis Catherine Goldman et je fais partie du bureau de l'association Cyberlang. Alors Cyberlang, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est avant tout une communauté virtuelle d'enseignants de langue, un réseau de communication sur la toile, un colloque en été au mois d'août et bien sûr aussi un état d'esprit. Donc, je vais bien sûr maintenant vous expliquer un petit peu ce que c'est l'association et surtout le colloque Cyberlang qui a lieu chaque année au mois d'août. Cette année à Dijon, en 2007 c'était à Perpignan, donc les lieux changent. Donc, l'association Cyberlang regroupe des enseignants de langue vivante qui utilisent les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Chaque été, nous organisons un colloque qui devient un lieu où enseignants, formateurs, chercheurs, producteurs d'outils multimédia qui s'intéressent au TIS et qui souhaitent collaborer aux rencontres Cyberlang se retrouvent pour échanger et partager autour de leurs pratiques concrètes. Nos objectifs sont de promouvoir et d'encourager l'usage des TIS et l'apprentissage des langues, de faire connaître les initiatives de terrain et les actions innovantes, de diffuser et soutenir les pratiques intégrant les TIS dans toutes les langues vivantes et le français langue étrangère, de faciliter le rapprochement des membres de cette communauté délocalisée, de tisser des liens, multiplier les opportunités de rencontres afin d'articuler une réflexion sur nos pratiques pour mieux les structurer, les orienter. Notre public, le colloque Cyberlang rassemble un large public issu de toutes les académies françaises et également de l'étranger. Donc il y a bien sûr des enseignants d'école, collèges et lycées, mais également des conseillers pédagogiques, des formateurs, des universitaires et des chercheurs. Et le colloque est un colloque francophone, c'est-à-dire toutes les communications se font bien sûr en français, mais nous sommes très heureux d'accueillir chaque année des visiteurs de l'étranger, d'Allemagne, d'Afrique du Nord, d'Italie, d'Espagne. On a même eu une fois une professeure de français du Japon, on a eu quelqu'un de l'Amérique latine. Donc c'est un colloque, je dirais, extrêmement convivial et très très enrichissant. Donc ceux qui sont venus le savent et en général reviennent. Notre adresse sur le web, www.cyber-lang.asso.fr, et le colloque de cette année à Dijon a lieu du mardi 26 août au jeudi 28.